l'âne comme pilon posé sur la moquette. Tu me tends la main, les miennes restent dans mes poquettes. On s'est levé tard, on est déconnecté. J'ai des manques car j'aime bien ça la mécanique. Si on veut les médailles, c'est pour les collecter. J'avais pas les dents de lait, moi que des canines. J'm'a dire à tous ces bâtards que j'arrête. J'envoie les couilles de faire partie du jeu. J'en ai pas besoin comme Batman, j'aime le risque. Elle veut leur glace, mais elle fait la queue. Pour la tour, j'ai boulette pouf. Toute ta team de poulet souffle. Pour et souffle, j'suis dans le blues. Car j'sais pas, j'vais aller où. Ils pourront jacter, franchement, j'm'en bats les couilles. Avant, j'les aimais, aujourd'hui, plus du tout. Souvenirs s'effacent dans le temps, mais pas les coups. Avant de les aimer, j'enfile mon boulet de fou. Comme ça, je parais mignon. Derrière moi, j'ai des millions de blèmes. Rien qu'en étant mignonne, babe, tu peux te faire des millions. Faut que j'oublie tout. Faut que j'oublie tout. Faut que j'oublie tout. Faut que j'oublie tout. Du bruit pour qu'on m'écoute. Rien à foutre si le corridor. Même si je suis sur Hollywood, je me sens mieux dans le corridor. Tout est flou, faut qu'on se bouge. Tout est plus simple quand t'as des sous. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est moi, je prends la tienne en double. Véné roule, c'est vrai que je doute, c'est vrai que tout m'effraie. Je raconte ma vie à une caméra, mais t'inquiète, y'a pas de quoi se méfier. J'ai percé sur le net, et c'était pas long pour se répondre la nouvelle. Et plus je suis connu, plus je me renferme sur moi-même. Allez, fais le singe, j'y vu que sinon c'est pas drôle. Même le plus mauvais player peut finir money maker. Sans cesse, j'enchaîne les erreurs. Pour ça, moi, je suis le meilleur. Comme ça, je parais mignon. Derrière moi j'ai des millions de blèmes. Rien qu'en étant mignonne, babe.